À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, la cérémonie de donation des livres coréens a eu lieu le 27 mars au comité de la province d'Amor du Parti communiste de la Fédération de Russie. Y étaient exposées les œuvres du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il, du dirigeant suprême Kim Jong-un et les livres coréens présentant le succès fier des militaires et civils coréens dans les activités pour la vitesse de Malima. Y ont pris part les personnalités de différents milieux, notamment le premier secrétaire du comité de la province d'Amour et le président de l'association d'études du Kim Il-sung-Kim Jong-il de Blagoevsk, ainsi que le consul coréen à Khabarovsk. À la cérémonie, les livres coréens sont transmis au premier secrétaire du comité de la province d'Amour du Parti communiste de la Fédération de Russie.